sur les amandes, sur les lavandes bleues. Il pleut sur la Provence, sur les vacances, il pleut. Déjà, la Méditerranée s'endort dans chaque port. Il pleut sur la terrasse où le vent casse les mimosas, et moi j'écoute tomber les gouttes, et moi j'écoute sans toi. Mon cœur frissonne, un clocher sonne sous le ciel bas. Reviens-moi vite.